Je vous propose maintenant, à l'occasion des 30 ans de mai 68, cette rétrospective des événements dans leur globalité du vendredi 3 mai, date des premières échauffourées, à l'évacuation de la Sorbonne et du Panthéon à la mi-juin. 180 voitures gisant sur la chaussée. Moi, je suis déjà Paris, prof. Par le plus avant des petits matins, faisait le Camille est encore étudiante à ce moment-là, parce qu'elle termine sa licence d'histoire. Elle est à Toulouse. Et il faut se souvenir qu'en 68, au mois de mai, il se passe quand même des événements pas négligeables. 9 jours plus tôt, à la faculté de Nanterre, à la suite de l'agitation de groupes d'étudiants, les cours avaient été suspendus, ce qui équivalait à une fermeture. Avec de grosses manifestations étudiantes, quelque chose qui est une espèce de presque révolution. En tout cas, sur le plan culturel, ça a été une révolution. Les gens qui, aujourd'hui, manifestent, sont présents, créent du trouble. Elle court les manifestations, alors il faut imaginer Camille courant dans les CRS. Ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels. Au mois d'août, naît notre deuxième enfant, qui est ta maman. À mon avis, des manifs de mai 68, il est resté quelque chose dans le caractère de ta mère, tu vois. Message reçu jeudi 12 avril à 20h49. Il y a un an, jour pour jour, je recevais un drôle de message. À cette époque, les gilets jaunes étaient des étudiants, les ronds-points étaient des facs, et déjà pourtant, on justifiait la violence des CRS par celle, supposée ou réelle, des manifestants. L'année dernière, j'enregistrais des manifs, sans trop savoir ce que je voulais en faire, espérant capter cette énergie-là peut-être, garder une trace des lacrymos, des klaxons, des chants, de l'euphorie aussi. Un témoignage pour plus tard. Ce soir du 12 avril donc, ce soir où la Sorbonne a été occupée, j'étais devant, dans le soutien, et mon ami était à l'intérieur. À la suite de cette soirée intense, j'avais fait un podcast, le tout premier, pour raconter cet événement dont on ne parlait pas ou mal, pour consigner à chaud les espoirs, les déceptions, la colère. Un message pour le monde du futur, celui qui aurait peut-être fait tomber Macron. Enfin, ça, c'est ce que je me disais. Mais force est de constater qu'un an plus tard, les têtes ne sont pas tombées, que les lois n'ont pas franchement reculé. Entre-temps, je suis partie en Belgique, loin des CRS et des lacrymos. Alors, avant de revenir à Paris, j'ai voulu réécouter ce tout premier podcast. Et ça m'a frappée. Je me suis rendu compte de l'ampleur de la violence policière actuelle et de la rapidité avec laquelle on s'y était habitué. Ce 12 avril, il n'y avait que quelques lacrymos, des matraques et des boucliers. Et pourtant, c'était déjà énorme. Et pourtant, c'était déjà démesuré. Parce que nous n'étions que quelques centaines d'étudiants, pas préparés, pas armés, sous la pluie.

Alors que, bah, écoute, si vous naissez, donc vous nous stagnez, autant nous laisser à l'intérieur de la Sorbonne. Quoi. Et donc voilà, donc on attend, on ne sait pas quoi faire, on essaie de voir si tout le monde va bien. Ils nous ont gardé notre mégaphone, ils ont attrapé la caméra d'un de nos camarades qui était à l'automédia de Tolbiac. Il y a un ami qui a laissé son sac à l'intérieur, donc il se retrouvait sans téléphone, sans argent, sans clé, sans quoi que ce soit, son sac était encore à l'intérieur. Quoi. On s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied parce que ça a été très rapide en fait. En 5 minutes, on a dû s'organiser avec beaucoup d'immés. Donc on n'a même pas eu le temps de récupérer nos affaires. On ne sait pas combien de temps on va se faire nasser. Il y a le soutien qui est à l'autre bout et eux sont aussi bloqués. Donc en fait, il n'y a aucune discussion qui peut se faire entre les deux groupes parce qu'ils sont scissionnés en deux. Quoi. Et donc voilà, donc on attend, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a des gens qui commencent à danser, on refait des slogans, on crie à libérer la nourriture. Enfin voilà quoi. Et dans une ambiance toujours aussi bon enfant, quoi. Il y avait vraiment des gens qui dansaient devant et c'était super sympa. Quoi. Les étudiants qui dépendent de moi, ça peut être vos enfants, ça peut être vos petits cousins, vos petits frères. Enlevez votre casque, putain! Enlevez-le! Franchement, vous êtes des sombres-mères! Des sombres-mères! On attend la NAS qui dure pas très longtemps, il commence à nous dire bah deux par deux, enfin, et puis on répond bah on n'est pas en CP, écoutez, on va pas faire ça en deux par deux, et puis au final on accepte parce que ça faisait déjà un moment et tout le monde était un peu fatigué et un peu remué de ses émotions. Il y a des black blocs, vous n'en savez rien, votre imaginaire de fou, il y a personne, il y a que des étudiants qui défendent leurs droits. Et le droit en même temps de ceux qui arrivent après. Vous avez tous des enfants, vous avez tous des familles. Et faites pas genre, vous n'entendez pas et vous êtes derrière. Franchement, c'est un truc, c'est abusé. Mais un jour, il n'y aura plus personne qui vous récupère. Vous voyez ? Parce que là, si vous ne venez pas avec nous, vous verrez ce qui va vous arriver plus tard. L'État, il vous chie dessus. Il vous chie dessus, l'État. Il chie dessus à nous, il chie dessus à vous aussi. Sauf que vous voulez que vous déformez, mais pas nous. Il a raison. Voilà, donc on sort doucement, ils commencent à vouloir nous renasser en fait, parce qu'on stagnait en fait, vu qu'on attendait les gens qui n'étaient pas encore sortis, on stagnait de l'autre côté de la NAS. Donc ils commencent à vouloir nous renasser, nous forcer à partir. Et donc voilà quoi, et donc naturellement l'idée d'aller à Tolbiac s'est faite, parce qu'il y a une peur de l'évacuation depuis que Tolbiac est sous la tutelle du préfet depuis mardi, il me semble. Du coup, nous, ce qui se passait de ce côté, c'est qu'en fait, pendant tout le temps, même avant même que l'évacuation commence, etc., on entendait des rumeurs de « ils sont plus que 30 à Tolbiac, c'est chaud, il faut qu'il y ait des gens ». En fait, il y a même des moments où ils ont proposé de voter pour savoir si on se barrait, parce que a priori, c'était plus que 30 à Tolbiac, et le truc, c'est qu'il y avait des camions de CRS qui commençaient à arriver. Et du coup, il y a eu pas mal cette question de « est-ce qu'on reste ici, même si on ne sert pas à grand-chose, parce que c'est symbolique, parce qu'il faut qu'on reste ?» Ou est-ce qu'on va à Tolbiac? Finalement, la plupart sont restés. Je pense qu'il y en a qui sont partis plutôt à Tolbiac. Ouais. Et après, quand on a vu que vous étiez nassés, on est quasiment tous partis parce qu'en plus, ça a commencé à chauffer avec les CRS. Vu qu'ils nous avaient tous gazés, il y avait des bouteilles qui commençaient à voler et on ne voulait pas que leur violence recommence à monter. D'accord. Et du coup, c'est là qu'on est partis et qu'après, on s'est fait poursuivre. Enfin, bref. C'est ton, ça, j'ai dit. Après, naturellement, on a pas mal décalé à Tolbiac. Après, je pense qu'il y en a qui voulaient rentrer et qui étaient peut-être... Enfin, il y avait aussi des gens qui étaient de P3, de P4, qui étaient de... Je crois qu'il y avait des gens de l'EHESS. Il me semble qu'il y avait même un doctorant, etc., etc. Donc, il n'y avait pas ce côté un peu affectif à Tolbiac. Donc, on y allait quand même.

D'ici là, prenez soin de vous et des autres. À très vite. Partigiano, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il giorno del partigiano, morto per la libertà. Les manifestants sont décidés à ne pas céder le terrain avant d'avoir obtenu satisfaction.